Merci, Capitaine Oscar. Et tout de suite, sans attendre, les lasers. Je pleure, je ne sais plus m'arrêter. Oh, oh, oh. Je pleure, je n'ai plus assez de papier. Oh, oh, oh. Quand je coupe des oignons, je ne sais plus rien faire. Quand je coupe des oignons, oui, pour mon hamburger. Oui, je coupe des oignons, je ne sais plus rien faire. Je coupe des oignons, oui, pour mon hamburger. Mon hamburger.